Adeline saisit la main de Crevel, la prit, la mit sur son cœur, sans pouvoir articuler un mot, et une larme de joie mouilla ses paupières. « Oh, attendez, il y aura du tirage. Moi, je suis un bon vivant, un bon enfant, sans préjugés, et je vais vous dire tout bonifacement les choses. Vous voulez faire comme Valérie? Bon. Cela ne suffit pas. Il faut un gogo, un actionnaire, un hulot. Je connais un gros épicier retiré, c'est même un bonnetier. C'est lourd, épais, sans idée. Je le forme et je ne sais pas quand il pourra me faire honneur. Mon homme est député, bête et vaniteux, conservé par la tyrannie d'une espèce de femme à turban au fond de la province, dans une entière virginité sous le rapport du luxe et des plaisirs de la vie parisienne. Mais Beau Visage, il se nomme Beau Visage, est millionnaire, et il donnerait comme moi, ma chère petite, il y a 3 ans, 100 000 écus pour être aimé d'une femme comme il faut. « Oui, » dit-il, en croyant avoir bien interprété le geste que fit Adeline. « Il est jaloux de moi, voyez-vous. Oui, jaloux de mon bonheur avec Madame Marneff. Et le gars est homme à vendre une propriété pour être propriétaire d'une. « Assez, monsieur Crevel !» dit Madame Hulot en ne déguisant plus son dégoût et laissant paraître toute sa honte sur son visage. «